7h30. Les jours se suivent et se ressemblent quand on parle de la SAQ. On dirait que tout le monde fait la file pour faire un texte, pour faire une enquête. Tout le monde s'y prend pas de la même façon, mais on vient toujours à la même conclusion. La SAQ nous fourre bout en bout. J'ai quasiment abandonné là-dessus. Ça va prendre combien de trocs de preuves pour que quelqu'un fasse quelque chose? La SAQ nous fourre. En fait, la baisse là des profits là, puis les profits qui sont un peu en recul, ça devrait être un signal d'alarme pour la SAQ. Si on avait des gestionnaires compétents à la SAQ, puis j'espère qu'il y a quelqu'un au bureau de Nicolas Marceau qui est en train de checker ça, là. Ben non. Parce que la stratégie de la SAQ, là, depuis un an ou deux, là, c'est de la merde. OK? On peut-tu se le dire, là? Il faut que ça serve de signal d'alarme. Puis les gens sont tannés de se faire fourrer. Et les dirigeants de la SAQ doivent comprendre ce message-là et doivent reviser leur stratégie. C'est pour ça qu'on parle de la SAQ ce matin, parce que le message ne sera pas passé par le gouvernement du Parti québécois, qui a expliqué la chose suivante aux gens de la SAQ quand la SAQ s'est dit « Hey, le monde n'achète plus de bouteilles de vin. » Voici la première ministre et deux ministres qui nous expliquent qu'est-ce qui se passe au Québec présentement. Donc c'est quoi? C'est les Québécois gagnent de l'argent, mais ils dépensent pas autant, ils épargnent plus. Ah. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elles épargnaient davantage. Mm-hmm. Mm-hmm. On sait que les Québécois épargnent plus, ce qui est pas de mauvaise chose en soi, là. C'est pas nécessairement mauvais. C'est pas nécessairement mauvais que le monde achète plus de vin parce qu'ils sont tannés de se faire fourrer par la SAQ, c'est juste parce qu'ils épargnent plus, pas parce qu'ils ont pas une scène. Non, c'est ça, là. Ben oui. Dans le Journal de Québec de ce matin, on prouve encore une fois ce que tout le monde sait depuis des années, et c'est encore plus vrai depuis une couple d'années. On prend les bouteilles les plus populaires, on hausse le prix pour fourrer le consommateur. On appelle ça un modèle d'affaires. Comment la SAQ peut avoir le culot de nous parler d'un modèle d'affaires alors qu'ils ont un monopole? Exactement, exactement. Puis ça prend-tu du culot? On a les exemples ce matin, dans le concret. Jacob's Creek. Jacob's Creek à 15,25, il est 2,50 de moins en Ontario. 3 pièces de moins en Saskatchewan. 2,25 en Colombie-Britannique. Puis je vais ajouter à ça que souvent, il est à 2 pour 12 pièces chez Publix en Floride. Ça, ils vous le disent pas dans le journal, là. Mais c'est ça la réalité aussi. Là. Les gens meurent dans les rues dans ces provinces-là, ah ben Jérôme. Oui, là, ben tu oui, comprends? On soigne pas le monde. Non, exactement. Tu iras, Landry, en Floride, tu essaieras d'aller à l'hôpital, tu vas mourir puis tu soigneras pas. Mais va à Saskatchewan, puis en Ontario, c'est pareil, on les ramasse dans les rues. Mais le Massy, un vin très populaire, très répandu, 14,40 $ à la SAQ. C'est 2,50 $ de moins en Saskatchewan, 1,40 $ de moins en Ontario et 40 cents de moins en Colombie-Britannique. Exactement. Le fameux White Zinfandel Gallo. C'est assez sucré, hein, ça, pour ça. Oui. Je le coupe avec de l'eau, ça coûte moins cher. 11,45 $ au Québec, 2 piastres de moins à peu près partout, Ontario, Saskatchewan. Ah, hey, il est à 3,45 $ de moins. En Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique. On se fait pas fourrer par ça. Ça veut dire qu'il est à 8 piastres en Colombie-Britannique, le White Zinfandel. Le brouillé Georges Duboeuf à 19,75 $ à notre SAQ, 2,75 $ de moins en Ontario. On a pris le top 10 des meilleurs vendeurs. C'est ce que le Journal de Québec a fait comme enquête. Puis, dans tous les cas, à peu près, on se retrouve avec des différences de prix où le Québec est perdant et les consommateurs de vin du Québec sont perdants. Mais ça fait combien de reportages, ça fait combien de minutes à la radio qu'on parle de ça, là? Le tour est fait 8 fois du problème. La conclusion, là, est simple. La SAQ nous faut. Il y a quelqu'un qui va devoir se réveiller à la SAQ, hein. Parce que là, on les a vus, les chiffres en fin de semaine, là. Les profits reculent, les gens achètent... Hey, t'as-tu vu la facture moyenne en passant? Est plus élevé que je pensais. Le prix de la facture moyenne à la SAQ. Tu rentres à la SAQ et t'en ressors. C'est quoi le prix moyen de la facture? L'as-tu vu? Une 20aine de piastres? Non, c'est plus que ça. C'est une 40aine de piastres? 43,90 $ la facture moyenne. On sait pas pour combien de produits, par exemple. Non, c'est ça. Les gens, ben, évidemment, la vente de spiritueux fait monter la moyenne, probablement. Là, ça coûte plus cher. Là. Mais c'est quand même une bonne facture. Là, chaque fois que tu rentres puis tu sors. Mais es-tu d'accord que... C'est assez, là, on a assez parlé de ça. Il y a assez eu d'études, il y a assez eu de reportages. Là, faut qu'il y ait des cadres qui sautent, là. S'il y a des gens à la SAQ qui n'ont pas compris, là, le message, et puis c'est quoi? Et probablement qu'ils feraient plus d'argent si le vin était moins cher. Parce que si tu démocratises un produit, tu vas prendre l'habitude, tu vas en acheter plus. Baisse le prix des vins, ils vont faire plus d'argent, je suis convaincu de ça, moi. Le problème, c'est que la SAQ se pose probablement dans ses bureaux la même question que tout le monde. C'est-à-dire, jusqu'où on peut étirer l'élastique en fourrant le consommateur? La différence entre la SAQ et les autres, c'est que les autres sont en compétition. Si tu mets ton vin. Si tu mets tes culottes de jogging trop chères chez Walmart, qu'est-ce qui va arriver? Le consommateur n'ira plus chez Walmart puis il va aller chercher ses culottes de jogging ailleurs. Mais il vient de péter là, l'élastique là. Avec leur stratégie de plus vendre de 20 à 10 piastres puis à 12 piastres, les profits reculent là, la SAQ. Même avec un monopole, un consommateur qui n'a pas d'autre alternative. Tu sais, la stratégie là, d'essayer de vendre une bouteille à 20 quand ma tante veut en acheter un à 15 piastres, là. Ça marche pas. Il y a des têtes qui doivent sauter, je pense, à la SAQ. Tu te demandes si les SAQ ont compris? Écoute, le porte-parole de la SAQ, Renaud Dugas, qui réagit sur les chiffres dans le Journal de Québec de ce matin. C'est très difficile de comparer, de se comparer avec les autres provinces parce qu'on a des modèles d'affaires qui sont différents. Les marges de profit ne sont pas appliquées en fonction des volumes vendus, sont appliquées de façon transparente et rigoureuse selon le prix que nous payons le produit. Excusez, mais si vous en achetez plus, normalement, si tu fais venir plus de stock sur Amazon, là, tes frais coûtent un peu moins cher. Ben, c'est ça. Dans la même commande. Normalement, c'est de même, ça marche. Là. Si la SAQ se fait fourrer, c'est qu'ils négocient mal leurs affaires. Là. C'est, oui, quoi qui marche pas, là. plus t'achètes, moins ça coûte cher, d'habitude. Là. On m'a montré ça en économie globale. Là, le monde voyage plus, Internet a rapproché puis facilité les comparaisons. Oui. On n'est pas cave. On le sait que vous nous fourrez, puis on la connaît, votre stratégie. Vous avez pris les bouteilles de vin les mieux vendues, les plus vendues. Vous avez monté le prix. Vous avez pris les vins qui vous rapportaient le moins, ceux en bas de 10 piastres, vous les avez enlevés. Vous avez pris les bouteilles entre 10 et 20 piastres que tout le monde achète, vous les avez montées de 2 piastres puis 3 piastres. Pensez-vous qu'on est stupide? Pensez-vous qu'on s'en est pas rendu compte? Prenez-vous des caves. Comment vous faites pour faire baisser vos profits alors que vous n'avez pas de compétition? Faut-il se faire sacrer du consommateur? Faut le faire. C'est l'enfer. Ça marche pas. Il est probablement temps qu'il y ait quelques changements dans les hautes instances de la SAQ. On s'est peut-être raconté qu'ils ont des bureaux un peu partout dans le monde aussi pour faire leurs importations. Les ambassades. Les ambassades de la SAQ. D'ailleurs, faudrait fouiller ça, ce dossier-là, pour vrai, là. Est-ce que... Avec une bonne enquête là-dessus, les dépenses, puis tout ça. Parce que, savez-vous ça qu'il y a des ambassades de la SAQ au Chili? Parce que la SAQ achète du vin, puis là, t'as l'ambassade de la SAQ avec le drapeau de la SAQ dans ces pays-là. Saviez-vous ça? Que la LCBO a ça, non? On a l'impression que la SAQ, c'est une grosse sangsue qui draine le consommateur pour donner de l'argent en haut, alors que le but d'un monopole gouvernemental, ça devrait être l'inverse. Le premier qui devrait profiter de ça, c'est le consommateur. Comment ça se fait qu'on nous fourre comme ça à la SAQ et que personne réagit? On y en a pas parlé de ce coup-là. La dernière fois, on a parlé avec Philippe Couillard, on l'a abordé, le sujet de la SAQ. Oh, la patate chaude! T'as dit que c'est pas long qu'on vire de bord, hein? Pourquoi? Parce que tout le monde le sait qu'on se fait fourrer, mais en même temps, le gouvernement, c'est de l'argent ramassé à terre. Mais là, on est en train d'avoir la preuve que plus ils nous fourrent et moins ça marche aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a une limite à fourrer le monde. On est rendu là. Je pense qu'ils l'ont atteint, la limite là, du fourrage. Je pense qu'ils l'ont pas mal atteint. 7h38 à Radio X.